Enfermé dans ton cercueil, t'es plus là mais tu nous vois. Je te dis au revoir une dernière fois en lâchant quelques larmes. Ça se voit dans mon rap, je supporte le poids de l'absence. J'attends, je bois de l'absinthe, sur mon malaise je mets l'accent. T'es parti depuis, je me dis si j'avais su. J'te jure là je comprends, même sans savoir bah j'aurais dû réaliser que je te verrais plus. Savoir que ce serait dur et que c'était prévu, que de l'histoire c'est que le prélude. Les départs se conjuguent au pluriel. Que dire, il nous fume l'aide, je l'ai vu lors de la marche funèbre. J'ai vu ma haine toute petite devenir balèze. La pression que la mort m'appelle et que plus rien ne m'apaise. Et donc je porte les marques de cette pute qu'emporte les nôtres. Tremblant au bord des larmes comme mon cahier emporte les notes. Encore des corps qui partent, je suis venu te dire adieu hein. Je me souviens de toi radieuse. Let them go, wanna be forever. You won't be anymore. Let them go, wanna need to deserve. Ceux partis trop tôt, qu'on aimera pour la vie. Pour ceux qu'on verra plus, emportés par la maladie. Y a tant d'amour, tant de larmes, tant de kiff, tant de drames, tant de vice, tant de charme. Dans nos vies que ça devient barge, la mort nous frôle. On porte un proche, paix à vos âmes, faites en sorte de nous jamais elle s'approche. Les yeux levés au ciel, les pupilles dilatées. Je pense à toi en train de rire, de sourire au temps passé. Encore des choses à dire, encore des choses à vivre. Mais trop tôt, ta famille, tes amis t'ont vu partir. Pense nos plaies comme on peut, pense-moi les comme ils pleurent. J'exprime cet amour mélancolique et le sang. Les lyrics pleuvent sur l'instru. Pour nos proches, rien n'est trop beau. Y'aura des fleurs, des bougies. À l'entrée du morceau, on se relèvera, ouais. Comme on s'est toujours relevé. Par honneur, amour et respect. Let them go, wanna be forever.